Run that up, Rico. C'est aujourd'hui que ça se passe, les gars sont down. C'est très possible que ça brasse, les gars sont down. C'est juste une bouteille, je la casse, les gars sont down. Pour faire du cop, pour une passe, les gars sont down. C'est aujourd'hui que ça se passe, les gars sont down. C'est très possible que ça brasse, les gars sont down. C'est juste une bouteille, je la casse, les gars sont down. Pour faire du cop pour une pause. Les gars sont down, j'suis dans l'underground. Laisse-moi goûter si t'as une bande. Là j'suis back, ma batte pour la tente. Micro chargé direct sur la tente. Oui, quelqu'un te donner la vie. Mais quelqu'un pourrait te la prendre. J'veux rien savoir, moi, de ton avis. Non, j'préfère te couper la langue. Et chaque jour shine, j'ai contrôle de la lampe. T'as beau parler, tu restes dans le background. Tu disais que le bloc, t'as pas de connexion. Rien à foutre, MC ton action. Tu peux aller accrocher ton veston. Ravaler tes questions. Tu veux venir dans le game, mais saute pas les étapes. Quand ça part trop, on distribue des tables. T'es qu'un fuckboy, mais tu te prends pour le pape. J'te jure de ma graine, il faut que tu débarques. Tu veux venir dans le game, mais saute pas les étapes. Quand ça part trop, on distribue des tables. T'es qu'un fuckboy, mais tu te prends pour le pape. J'te jure de ma graine, il faut que tu débarques. Les gars sont down. C'est aujourd'hui que ça se passe, les gars sont down. C'est très possible que ça brasse, les gars sont down. C'est juste une bouteille, je la casse, les gars sont down. Pour faire du cop pour une passe, les gars sont down. C'est aujourd'hui que ça se passe, les gars sont down. C'est très possible que ça brasse, les gars sont down. C'est juste une bouteille, je la casse, les gars sont down. Pour faire du cop pour une passe. Mon respect, tu l'as peut-être pas found. Sur ta tête, je t'enlève ta crown. Good luck to you if you're my sound. Merci à toi d'être my next round. Disrespect, c'est pas dans ma foi. Sincèrement, toi tu croyais quoi? Moi je reste avec les pieds droits. De chialer, toi tu n'as pas le droit. Fuck my life, j'ai pas rien avec mon knife. T'es rien pour moi, t'as pas le temps d'être ma wife. Qu'est-ce que tu crises des dans ma life? Je te donne mon sacrifice. J'suis un bandit mal enchaîné de tout plein de rhymes. Fuck et ça se pourrait bien que je veuille te bloquer. J'ai rien à battre, tu peux débloquer. J'suis un bandit mal enchaîné de tout plein de rhymes. Fuck et ça se pourrait bien que je veuille te bloquer. J'ai rien à battre, tu peux débloquer. Yo, les gars sont quoi? Les gars sont down. Les gars sont down. C'est aujourd'hui que ça se passe, les gars sont down. C'est très possible que ça brasse, les gars sont down. C'est juste une bouteille, je la casse, les gars sont down. Pour faire du cop pour une passe, les gars sont down. C'est aujourd'hui que ça se passe, les gars sont down. C'est très possible que ça brasse, les gars sont down. C'est juste une bouteille, je la casse, les gars sont down. Pour faire du cop pour une passe.